12 27 activation dictée. Écoutez et complétez. Vous entendrez le passage trois fois. Robert suit les manifestants. Et moi, je suis Robert. Mais non, c'est moi qui suis Robert. Mais oui, vous êtes Robert, et moi je vous suis. Allez, allez, suivez les manifestants. Robert suit les manifestants. Et moi, je suis Robert. Mais non, c'est moi qui suis Robert. Ah mais oui, vous êtes Robert, et moi je vous suis. Allez, allez, suivez les manifestants. Robert suit les manifestants. Et moi, je suis Robert. Mais non, c'est moi qui suis Robert. Ah mais oui, vous êtes Robert, et moi je vous suis. Allez, allez, suivez les manifestants.